Tartaret musique, là le son des halls, j'pète la pioche, il ina sa démo. Ça pour le morceau, c'est pas une démo. Pop pop pop pop, c'est l'effet d'une bastos lyricale. Franc tireur, j'vise pas les jambes mais le crâne. C'est Ademo, Spike, il est naze qui déballe. Sois pas stupéfait de nous voir arriver comme une rafale. J'ai la dalle, mais putain, dans mes poches, c'est la merde. Sauf son périph du hardcore, je débarque en roue arrière. Les poucaves et les langues de pute, on sait les faire taire. Les vrais savent que j'ai dans le fut, j'ai pas peur de faire la guerre. J'en ai vu de toutes les couleurs, donc j'sais à quoi m'attendre. Stupéfait de voir un type qui braque un ancien sur la tempe. Mais si tu me fais un coup de pute, j'espère que tu sais à quoi t'attendre. Rancunier et rusé, la monnaie, on sait la rendre. Stupéfait, voir qu'ici, on t'encule sur demande. Un coup de tomard sur la tête, tu comprendras qu'on n'est pas tendre. Stupéfait quand j'entends à des mots, des fois il l'instru. Stupéfait voir qu'on fait ménage et vire tous les intrus. Stupéfaction quand ça arrive dans la tête. Stupéfaction comme voir un petit sans sa mère. Stupéfaction quand ta vie dans la mienne. Stupéfaction comme un cric-cric. C'est la stupéfaction quand ça arrive dans la tête. Stupéfaction comme voir un petit sans sa mère. Stupéfaction quand ta vie dans la mienne. Stupéfaction comme un cric-cric. Première mesure, les temps sont durs, les temps sont signés. Les temps sont durs, prier, crier, les chansons puent, j'ai tant méprimé. Y'a pas de fête, man, faites place, pas de vêtements. À point, c'est l'événement, ça va faire mal, ça vient de l'espace. Voilà la phrase, la vibe, connard, frappe, frappe, la balle, fracasse, la barre, crash, crame, à démon, phrase, à place. Match le style, il n'a spike, véritable paille, qui nique les attailles. Putain, tour dans mon sac à dos, putain, court tant qu'on rate. Juste un coup dans ton anatomie, putain, tiens, sans qu'on crache. Mets un coup, là, là, le parano, mets un faux que je rentre trop pas. Check partout, chante ma rage à l'air, ça pousse dans ton pas. C'est pas lourd, je mets tes tasses à l'eau. Mec, ça couche sans qu'on le voit. Mes cartouches sont j'écharpe par eau. Partout dans le convoi, c'est le saloon, j'baisse les Navarro. Baisse chaque poule dans ton cas. Tu sales foule, mec, ton grand atro. Stupéfaction, c'est la stupéfaction quand ça arrive dans la tête. Stupéfaction, quand voir un petit sans sa mère. Stupéfaction, dans ta vie, dans la mienne. Stupéfaction, comme un cric-cric. C'est la stupéfaction quand ça arrive dans la tête. Stupéfaction, quand voir un petit sans sa mère. Stupéfaction, dans ta vie, dans la mienne. Stupéfaction, comme un cric-cric. Stupéfait, nous voir venir comme personne. T'as bien raison, y'a rien du monde sur les sons. On fait qu'emprunter les sous-sols, nous c'est Tartaret musique. Une boîte de rappeurs anti-flic. Stupéfait que la France est carrément l'Afrique. Sortez les chèques, non non, j'rigole chez moi sans liquide. Kiki veut la peau de kiss, moi j'ra des coups de kiki. Écoute, sois pas choqué, c'est dans la paume, on l'a croqué. On est revenu choquer la France, après deux CRS défoncés. Stupéfait de nous voir faire la guerre avec les stupes. On est fait, on aime ça, comme tu vois, on sait les tues. Le sais-tu que chez moi on vit la guerre, toi attitude. Pour tout le monde, la vie est dure. Censuré dans tous mes tubes. Stupéfait de voir la nouvelle. J'ai défoncé les boomers. Kajakin sur les humeurs. Brouille les pistes des enquêteurs. Tout maintenant par but d'amour. Ils veulent simplement baiser. Dans leur tête ils sont tous baisés. Parle de tout, de gros vies. C'est la stupéfaction quand ça arrive dans la tête. Stupéfaction quand voir un petit sans sa mère. Stupéfaction dans ta vie, dans la mienne. Stupéfaction comme un cric-cric. C'est la stupéfaction quand ça arrive dans la tête. Stupéfaction quand voir un petit sans sa mère. Stupéfaction dans ta vie, dans la mienne. Stupéfaction, comme un cric-cric. C'est la stupéfaction. Stupéfaction. Stupéfaction. Stupéfaction. C'est la stupéfaction. Stupéfaction. Stupéfaction. Stupéfaction. Arrive dans la tête, stupéfaction, quand voir un petit sans sa mère, stupéfaction, dans ta vie, dans la mienne, stupéfaction, comme un cric-cric. C'est la stupéfaction, quand ça arrive dans la tête, stupéfaction, quand voir un petit sans sa mère, stupéfaction, dans ta vie, dans la mienne, stupéfaction, comme un cric-cric. C'est la stupéfaction, stupéfaction, stupéfaction, stupéfaction. C'est la stupéfaction. Stupéfaction. Stupéfaction. Stupéfaction. Stupéfaction. Stupéfaction. Stupéfaction. Stupéfaction.